si on se connaît ou quoi, il y a des fois l'information ne circule pas très bien. Donc, moi, je proposais à mes camarades, vous me dites aussi ce que vous en pensez, c'était au moins d'identifier des coordinateurs, enfin des gens pour coordonner, on va dire, le mouvement au sein des départements, histoire que l'info circule et qu'on puisse coordonner tous les départements. Le comité de mob, c'est très bien, je trouve ça super, mais ça, c'est quand vraiment on est en masse. Et pour ma part, je pense qu'il est important encore de mobiliser les promos et donc du coup de massifier au mieux comme ça. Ensuite, un autre point qui est plus national, je ne sais pas si vous avez vu hier. Hier, les pompiers de France sont montés à Paris pour manifester, pour être reconnus dans leur, comme un métier à risque. Et tout ce qu'ils se sont pris, c'est des gaz lacrymogènes, les nouvelles grenades de désencerclement qui sont super dangereuses par rapport aux dernières que Castaner a dit on arrête la production, on arrête de s'en servir, alors que la production est arrêtée depuis 2013. Enfin bref, moi, ça m'a choqué hier de voir des pompiers se faire lyncher, se faire maltraiter par des policiers. C'est là qu'on se dit que notre système actuel est vraiment malade. Quand on voit des représentants des institutions françaises se battre sur un terrain de bataille qui est qu'autre que les rues de Paris, et il me semble important qu'on prenne tous conscience qu'on est tous attaqués de toutes parts par le gouvernement. On voit les avocats défiler dans les rues, on voit les médecins défiler dans les rues, les chercheurs sont en train de se mobiliser, les étudiants, pareil. Et à un moment donné, si on arrive avec tout ça en AG, je pense qu'on peut être plus, on peut être ce nombre-là en manif tout à l'heure à 14h30. C'est important le nombre, c'est important de montrer qu'on est en masse, c'est important de montrer qu'on se sent concerné par tout ça et qu'on n'est pas isolé à se dire « Non mais de toute façon, on peut toujours manifester, ça ne changera rien. » Eh bien si ça change quelque chose, si on se donne les moyens et la force de se battre.